Chapitre 5. Trois jours après, la vie avait repris. Mais il ne m'était plus possible de rester à la Maladière. Je ne me reconnaissais plus. Je me demandais si je n'étais pas malade. Je n'avais de courage à rien. Chaque être, chaque objet me rappelait ce qui s'était passé. Je n'osais pas regarder vers le lac. Le seul remède était de m'en aller le plus vite possible. Je résolus d'en parler d'abord à Mélanie. Elle fut tout à fait de mon avis. Jamais je n'aurais pensé qu'elle s'y rangerait si facilement. C'est que je ne sais pas si je trouverais du travail au village, et au cas où je n'en trouverais pas, nous serions séparés. Elle me répondit, « Ça n'a pas d'importance, pourvu que tu fasses ton chemin. » Je fus un peu triste. Il me semblait qu'elle n'aurait pas parlé ainsi si elle avait vraiment tenu à moi. Mais comme je cherchais à le lui faire entendre, « Que tu es bête, » reprit-elle. « Est-ce que tu crois que je suis comme ces filles égoïstes qui ne pensent jamais qu'à elles ? Comme si tu ne pouvais pas trouver mieux qu'ici. Et puis, il y aura toujours moyen de s'écrire. » C'était une fille pratique, et elle avait de l'ambition pour deux. Pourtant, ma tristesse ne s'en allait pas, et j'étais très émue quand, le dimanche suivant, je me rendis chez M. Loup. Il m'écouta attentivement, il hocha deux ou trois fois la tête. « Mon garçon, je n'ai pas de conseils à te donner. Ces choses-là, vois-tu, c'est en soi-même qu'on les discute. Mais je comprends que la situation où tu te trouves ne soit plus la même qu'autrefois. » Je lui dis que j'étais bien décidé. « Alors, reprit-il, n'hésite pas. Ne va jamais contre toi-même. Et sois bien sûr que je continuerai à faire tout ce que je pourrai pour t'aider. » Je lui demandai s'il me connaîtrait une autre place. « Seulement, lui dis-je, c'est que j'aurais bien aimé trouver quelque chose au village. »« Au village ? Pourquoi au village ? Comme ça ?» Il avait retrouvé son sourire, il me dit, « Au village, je ne vois rien. Mais Roche n'en est pas bien loin, et j'ai tout de suite songé pour toi à Roche. » Il continua. « Te voilà maintenant ferré à glace sur l'orthographe et le calcul. Tu as une bonne écriture, ça pourrait te servir. Reviens me voir dimanche prochain. » Il se trouva ce dimanche-là qu'il avait l'air tout content quand il me vit arriver, et tout de suite il me dit, « Mon garçon, j'ai ton affaire. » Alors il m'expliqua qu'il avait été voir un monsieur Gonin, qui était notaire à Roche, et qui lui avait parlé de moi. Le dit monsieur Gonin avait justement besoin d'un commis. Il consentait à me prendre à l'essai. « Tu ne gagneras que 60 francs par mois au début, mais il faut un commencement à tout. Et puis, tu auras beaucoup plus de temps qu'à la Maladière. Il y a une vieille demoiselle que je connais qui te louerait une chambre. Une demoiselle Grandjean. La chambre et la pension te coûteraient 45 francs par mois. Ça t'irait-il ? » Je ne pouvais bien sûr rien espérer de mieux. Je le remerciai beaucoup. Mais il vit sans doute à mon air que j'étais tourmentée quand même. C'était un homme fin, et de nouveau il me sourit. De nouveau, il me dit, « Roche n'est pas si loin que ça de Vernamin, et tu continueras à venir me voir le dimanche. Allons, mon garçon, du courage. » On se tenait près du rucher. Il venait une odeur de prunes écrasées parce qu'on avait tremblé le prunier, mais le soleil brillait au ciel comme au plus gros de la saison. Monsieur Loup était en bras de chemise, avec un grand chapeau de paille et un haut faux col empesé entre les pointes duquel son menton reposait sur une cravate à trois tours. Il avait une longue figure maigre, un grand nez un peu recourbé, les lèvres minces et rasées, de courts favoris frisaient sur ses joues. Quand il se découvrait, on voyait qu'il était tout blanc, mais il avait encore tous ses cheveux. J'étais assis sur le banc, près de lui. Par une fenêtre du rez-de-chaussée, on apercevait Madame Loup assise dans un fauteuil qu'elle ne quittait plus. Elle semblait beaucoup plus vieille que son mari, étant devenue énorme avec l'âge. Une fleur de dahlia s'effeuilla dans la haie. On entendait le petit bruit de la fontaine. Quelqu'un passait sur le chemin. Et moi, je regardais le bout de mes souliers pendant que M. Loup parlait. C'est ainsi qu'il y eut ce tournant dans ma vie. Sitôt de retour à la Maladière, j'allai trouver M. David. La maison semblait inhabitée. Je dus heurter deux fois avant que Jenny vînt m'ouvrir. Et quand je lui eus dit que je voulais voir M. Barba, elle me regarda de la tête aux pieds d'un air méfiant. Il finit pourtant par venir, je reculai de surprise. Il ne restait plus rien du monsieur David d'autrefois. Devant moi se tenait une espèce d'être débraillé, voûté, la figure jaune, les yeux jaunes, deux grosses poches sous les yeux, et qui traînait les pieds dans des pantoufles de lisière. Sans me dire un mot, il me fit entrer dans son bureau. Les fenêtres en étaient fermées. Il y avait une terrible odeur de moisi et de renfermé. Il s'assit à son pupitre, il me demanda ce qui m'amenait. Je le lui dis, je pensais qu'il allait se fâcher. Il n'en fut rien, il ne me regarda même pas. Il avait repris le petit carnet dans lequel il avait inscrit mon nom le jour de mon arrivée, et l'ayant ouvert à la page qu'il fallait, « C'est bien, quand est-ce que tu veux partir ?» Je lui dis que j'avais l'intention de partir à la fin du mois. « C'est bien, à la fin du mois, tu n'auras qu'à venir, je te paierai ce que je te dois. » Puis il fit une barre en travers de la page et il referma le carnet. Il ne me restait plus qu'à m'en aller, ce que je fis en le saluant le plus poliment possible. Il ne répondit même pas à mon salut. Et comme je passais la porte, je me retournai, je vis qu'il n'avait point bougé. Moi, je me tenais tout juste debout. « Voilà, me disais-je, un mois a suffi. » Est-ce que c'est encore un homme ? Je voyais que le malheur est comme un acide qui ronge en dedans jusqu'à ce qu'il ne reste plus de nous qu'une espèce de coquille. N'en adviendrait-il pas de même, un jour ou l'autre, pour moi ? Un grand découragement me gagnait. Ce mois de septembre, de toute façon, fut un vilain mois à passer. Dès que Recordon sut que je quittais la ferme, il fit tout ce qu'il put pour me rendre la vie pénible. Les autres l'avaient imité. Ils étaient jaloux de moi, à cause que j'allais à la ville, ce qui me donnait à leurs propres yeux une espèce de supériorité dont ils se vengeaient. Et puis surtout, il y avait les choses que j'allais quitter. Jamais je n'aurais cru être tellement attachée à elles. Elles n'étaient plus seulement dans mes yeux, elles étaient aussi dans mon cœur. Et quand je tirais dessus, cherchant à les arracher, mon cœur tout entier venait avec elles, comme la motte avec la plante. Un seul espoir me soutenait, mon amour pour Mélanie. Je m'étais décidé à lui parler avant de partir. Il ne dépendait que d'elle que le courage me revint. Je lui demandai un rendez-vous. On était maintenant tout à fait à la fin de septembre. Une fois de plus, nous nous retrouvâmes sous le saule, mais cette fois c'était le soir. Elle avait dit à sa mère qu'elle allait chez une amie. Moi j'avais fini ma journée, nous avions du temps devant nous. Le soleil allait se coucher. Il était rouge dans la brume. Je la fis asseoir à côté de moi, ou plutôt elle s'assit d'elle-même à côté de moi, parce qu'elle était point fille à hésiter en rien, et elle eut soin d'abord de relever sa jupe, le sable étant un peu mouillé. Je me tournai vers elle, je lui pris la main, elle se laissait faire, je lui dis « Mélanie ?» Elle leva les yeux sur moi. Comme ils étaient beaux, ses yeux, ce soir-là. Sombres, profonds, pourtant brillants. Humide, gras, tout en lumière. Et un éblouissement m'en venait qui fit que je baissais les miens, tandis que de nouveau je disais « Mélanie, comme tu es drôle, me dit-elle, qu'est-ce que tu as toujours à me dire mon nom avant de parler ?» Moi, je savais bien pourquoi. Ce n'était pas que les mots me manquassent, c'était plutôt qu'il y en avait trop. Et puis aussi, certains, je n'osais pas les dire. « Écoute, Mélanie, avant de m'en aller, j'aurais voulu savoir, je ne sais si j'ose, mais il faudrait que tu me dises... Qu'est-ce qu'il faudrait que je te dise ? Il faudrait que tu me dises, si je peux, et ne trouvant rien d'autre, si je peux compter sur toi ? Comment l'entends-tu ? Si je peux me dire, quand je serai loin, qu'il y a quelqu'un ici qui pense à moi, et si je pourrais te revoir, sans quoi je m'ennuierais trop ? « Bien sûr, dit-elle, qu'on pourra se revoir. » Je vis que je n'étais pas allé assez loin dans mon explication. Il ne faudrait pas seulement qu'on se revoie, ou bien si on se revoyait, il ne faudrait pas que ce soit tout à fait comme avant, à cause que je serais loin, tu comprends. Alors ce n'est plus la même chose. Écoute, Mélanie, est-ce que tu me promets de ne pas m'oublier ? Parce que moi, vois-tu, je ne t'oublierai pas. Parce que moi, j'allais dire le vrai mot. Il me resta sur les lèvres. Pour elle, elle s'était mise à rire. « Mais rien ne sera changé, naturellement, » me dit-elle. « Est-ce une raison, parce que tu t'en vas, pour qu'on ne soit plus comme avant ? Encore si tu t'en allais bien loin, mais à Roche, allons, embrasse-moi. » On entendait toujours venir les vagues. Il y en eut deux qui vinrent pendant le temps du baiser. C'était bien la meilleure réponse qu'elle put me faire. Il y avait sa joue douce, en haut de cette joue, ses cils bougeaient contre mon front, et maintenant je l'avais prise par l'épaule. Je tenais toute sa mince épaule dans le creux de ma main. Il semblait qu'elle fût faite à la mesure de ma main. Mais c'était son tour de parler. Elle me dit « Il faut qu'on s'entende. Je n'aimerais pas que tu reviennes trop souvent à cause des gens d'abord et puis de ma mère. Ma mère, vois-tu, si tu avais une bonne situation à la ville, je crois qu'elle ne dirait rien. Mais ta situation n'est pas encore sûre et tu ne gagnes pas encore assez. Alors en attendant, il faut de la prudence. On pourra se voir le dimanche. Tous les 15 jours, veux-tu, le dimanche ?» Il me paraissait que c'était bien peu. Elle ne voulut rien entendre. « Il y a, continua-t-elle, dans le mur du cimetière, une pierre qu'on peut lever. C'est à gauche de l'entrée. Si tu ne peux pas venir, tu mettras une lettre derrière la pierre. Et moi aussi, si je ne peux pas venir. Ainsi, nous saurons toujours à quoi nous en tenir l'un et l'autre. Ça te fera une promenade de venir jusque-là, le soir. » J'admirais comme elle était adroite et comme elle savait tout prévoir. De cette façon-là, il n'y avait pas moyen, en effet, qu'on ne s'entendît pas très bien, et j'étais tout heureux à l'idée de cette correspondance qui allait s'engager entre nous, me disant que rien ne m'empêcherait, quand j'en aurais envie, de lui écrire plus souvent, de lui écrire tous les jours. C'est ainsi que le chagrin que j'avais de partir se trouva tout à coup bien allégé, et tout à coup une gaieté me vint, un brusque besoin dans mon cœur de rire, tandis que je pensais « Profitons du dernier moment ». Elle m'avait dit « Ça te va ?» Je lui avais répondu « Si ça me va ». Et voilà que je la prends par les oreilles. Elle ne s'y attendait pas, elle fut toute interdite. Elle me disait « Tu me fais mal ?» Mais je savais bien que je ne lui faisais pas mal. Je ne l'avais pas lâchée, et peu à peu je rapprochais sa figure de la mienne. Peu à peu alors sa figure grandissait. En même temps le lac, la grève, le ciel, tout ce qui nous entourait avait disparu. Il n'y avait plus que sa figure. Une figure avec deux yeux, à leur tour comme deux lacs, et la bouche comme une vallée, et des joues comme deux collines, à l'heure où le soleil en éclaire le haut. Et une brume vient dessus, qui était son teint un peu brun, il y avait comme une poussière dessus, et comme un phare de fruits dessus. Je dis, « Tu es une toute belle !» Elle rit, ses lèvres s'entr'ouvrent, je vois ses dents et la gencive, je dis, « Je voudrais mordre dedans. » Quand je serai par les routes du monde, Mélanie, est-ce que tu continueras à rire ainsi ? Je ne saurai plus rire quand tu seras par les routes du monde. Et quand je serai revenue, oh, alors je rirai tout ce que je n'aurais pas ri pendant que tu étais loin. Mélanie, tu vois, je te tiens par les oreilles. Je pourrais ne plus te lâcher. Avant que je te lâche, jure-moi ce qu'il faut jurer. Ce qu'il faut jurer, je le jure. C'est de cette façon qu'il se trouva que je n'eus plus besoin de la tenir par les oreilles et qu'elle fut rendue à sa liberté. Mais moi, je m'étais laissé glisser en avant, j'appuyais ma tête contre sa poitrine, je l'apercevais ainsi d'en dessous, je l'appelais de nouveau par son nom, elle pencha la tête et son baiser me vint d'en haut. Il n'y avait plus de soleil, il n'y eut presque plus de jour, le lac devint gris, plat dans son étendue et lisse, comme s'il eût été changé en sable. Elle s'était secouée, elle remonta du bout des doigts ses bandeaux qui s'étaient défaits. Elle me dit « Alors, dans 15 jours ?» Il me semblait que tout allait être facile, et quand elle s'en alla la première et fondit devant moi dans l'ombre, bien sûr que j'eus encore un mauvais moment à passer, mais il ne dura pas. Il y avait maintenant une lumière sur ma route. Ce fut donc d'un pas courageux que je quittai la Maladière, le 1er jour d'octobre, mon paquet au bout d'un bâton. Bientôt, je vis Roche sortir d'entre les hauts trembles de la place d'armes. En passant près du cimetière, j'avais été m'assurer que la pierre dont m'avait parlé Mélanie y était toujours. Elle y était toujours. Le mur se trouvait être un très vieux mur, dont le mortier s'était à la longue effrité, grâce aux gelées et aux faux capillaires, qui est une plante qui guette les moindres fentes entre les pierres. La pierre non seulement bougeait, mais on l'amenait à soi aussi facilement qu'un tiroir, et dans le fond du trou, à l'abri de la pluie, il y avait place pour autant de lettres et aussi longues qu'on voulait. Je me dis, je vais lui faire une farce. Sur une feuille de mon carnet que j'arrache, j'écris au crayon « Je t'aime, de tout mon cœur ». Je plie la feuille en deux et je la mets dans la cachette. Il y avait des soldats qui faisaient l'exercice. C'étaient des canonniers. Ils manœuvraient leurs canons à bras. Ils portaient en ce temps-là de hauts képis sans visière derrière, avec un plumet rouge qui se tenait tout droit. Ils avaient des habits à queue, des pantalons à pont, de grosses épaulettes en laine et en travers du corps un baudrier de cuir blanc au bout duquel pendait le sabre. Ils mirent le feu à leurs canons chargés à blanc. Des petites filles qui étaient là se bouchèrent les oreilles. Le canon éclata, et par trois fois son bruit roula contre les murs de l'arsenal, tandis qu'il y avait dans l'air une espèce de petit anneau bleu de fumée qui lentement montait en tournant sur lui-même. Là-dessus, je vois la grosse figure de M. Gonin se tourner vers moi de derrière son bureau. Il me dit « Vous êtes à l'heure, c'est ce qu'il faut ». Et tout de suite, je me rendis chez Mademoiselle Grandjean me décharger de mon paquet. Mademoiselle Grandjean était une personne maigre, avec un grand nez sous un bonnet blanc, dans les 50 ou 55 ans, une verrue à la joue gauche, un long cou, plate par devant, comme une planche à repasser. Elle habitait dans une petite rue nommée rue du Four, une maison à un étage peinte en bleu. L'appartement n'était que de 2 pièces, mais il donnait sur des jardins. C'était bien un intérieur de vieille fille, partout des tapis au crochet, sur le lit, sur le poêle et jusque sur les chaises. Au mur, des cartons avec des versets de la Bible. Sous la lampe, un rond tricoté. En haut du verre de la lampe, un petit chapeau tricoté. Mais il y avait partout un grand ordre et une grande propreté. Des rideaux blancs pendaient à la fenêtre, le bois du lit brillait, le plancher n'avait pas une tache. Jamais je n'avais été si bien logé. Je regardais une petite étagère ornée de nœuds de rubans rouges qui pendaient au mur. Je me disais que j'y mettrais mes livres. Il y avait une table où je pourrais au moins travailler à ma guise, car j'allais être libre désormais dès 6 heures, il n'y aurait plus de recordon pour venir me déranger. Une espèce de douceur que je n'avais pas encore connue entrait dans ma vie. Je me souviens maintenant encore avec plaisir des premiers mois que je passais à Roche. M. Gonin était un homme très entier, ou plutôt un peu exigeant mais juste. J'avais appris la bâtarde et la ronde, il ne m'en demandait pas plus. Mon travail consistait à recopier sur papier timbré les minutes des contrats et des actes qu'il rédigeait. L'essentiel était que la page fût sans rature, les lignes bien droites, bien parallèles, les caractères réguliers. Ma main, d'abord un peu raide, n'avait pas tardé à s'assouplir, et si les 2 ou 3 premières fois M. Gonin avait hoché la tête, l'air de me dire « on peut mieux faire », bientôt il parut tout à fait content. Je devais être au bureau à 8 heures, j'en sortais à 12h, j'y retournais à 2, j'y restais jusqu'à 6. 4 fois par jour, aller et retour, je faisais le même chemin. Je suivais jusqu'au bout la rue du Four, elle n'était pas bien longue. Je tournais à gauche, je traversais la place où se trouve l'église, et entre l'église et les maisons voisines, on voit briller un coin de lac. Il ne me restait plus alors que quelques pas à faire. Des rues presque toujours désertes, à part le mercredi et le samedi qui étaient jours de marché et où elles se remplissaient de corbeilles, avec, devant les 2 ou 3 auberges, une double file de chars à bancs, les brancards levés. Mais dès les 2 ou 3 heures, tout avait repris son air ordinaire. Il ne restait plus que les pigeons qui se promenaient gravement parmi les crottins déjà secs. Et les coups de l'horloge tombaient lourdement dans le silence. Moi, j'étais assis à ma table et j'écrivais. Il y avait un premier commis nommé Père Drizet, qui avait son pupitre dans la même chambre que moi. M. Gonin occupait seul une seconde pièce, mais il lui arrivait souvent d'être sorti, et quelquefois Père Drizet lui aussi sortait, alors c'était moi qui étais chargé de recevoir les clients. Il n'en restait pas moins que je devais être rentré exactement pour 12h15 et 6h15, heure du dîner et du souper, car Mademoiselle Grandjean n'aimait pas à attendre. Cette régularité me plaisait, elle convient à l'estomac. Le mien marquait l'heure comme une pendule, et je me hâtais le long du trottoir sans m'attarder à regarder autour de moi, ne connaissant d'ailleurs personne. Il n'y avait que la blanchisseuse du rez-de-chaussée que je saluasse en passant, parce que c'était elle qui me lavait mon linge, une chemise par semaine et de temps en temps un mouchoir. On mangeait à la cuisine. À midi, on avait une soupe, une viande et un légume. Le soir, du beurre et de la confiture, un morceau de fromage et du café au lait, parfois aussi un plat doux, une crème ou une omelette au sucre, chose dont Mademoiselle Grandjean était friande. Et moi, pas tant, mais enfin je m'en arrangeais. Cela me changeait des grosses embarquées de lard et de choux de la ferme et des pommes de terre à l'eau de là-bas et de toute la lourde nourriture de là-bas. Quelquefois, je sortais de table, ayant bien encore un peu faim. Je ne songeais pas à m'en plaindre, sachant que Mademoiselle Grandjean en eût été toute peinée et qu'elle n'y mettait d'ailleurs aucun calcul. C'était une très bonne personne, quoique un peu desséchée d'esprit, mais il eût été difficile qu'il en fût autrement. Pendant plus de 30 ans, elle avait été, comme on dit, en journée. Puis l'âge était venu, sa vue avait baissé, elle avait dû renoncer à son métier de lingère. À force d'économiser, elle avait réussi à mettre de côté quelques milliers de francs qui la faisaient vivre, mais très exactement. Si bien qu'elle avait été toute heureuse de trouver un pensionnaire, encore que ce pensionnaire-là ne dût certes pas l'enrichir. Elle parlait volontiers en proverbe, elle était très pieuse, elle ne manquait pas un sermon. Il était rare qu'elle sortît de chez elle, à part donc le dimanche, et de temps en temps une commission. C'était une toute petite vie qui s'écoulait, jour après jour, à passer d'une chambre à l'autre, balayer, frotter, allumer le feu et tirer l'aiguille. Sitôt la nuit venue, Mademoiselle Grandjean se couchait. Mais la journée, pour elle, commençait de bonne heure, beaucoup plus tôt pour elle que pour moi. Je n'étais pas encore tout à fait réveillée que je l'entendais déjà aller et venir. Si resserrée que fût l'appartement, elle ne restait jamais sans rien faire. Elle avait la manie de l'ordre. La moindre trace de poussière sur un meuble l'attristait. On voit bien que je devais me sentir un peu à l'étroit chez elle, habituée que j'étais à tout autre chose et à plus d'espace et de liberté, mais j'aurais été ingrat de me plaindre, d'autant plus que malgré tout j'avais l'impression de m'être élevée d'un degré. Et puis il y en aurait d'autres, et je passerais de l'un à l'autre, m'élevant ainsi peu à peu. Et puis je ne vivais plus dans le moment présent seulement. Il y avait trop d'espoir devant moi. Alors, qu'importait parfois un peu d'ennui, ce sentiment d'étouffement qui me prenait à certains moments dans ma chambre, un peu trop de silence aussi, car Mademoiselle Grandjean parlait peu, et peut-être pas assez de gaieté et de mouvement, chose dont on a tant besoin quand on est jeune. Je me disais, je me rattraperai plus tard, et je m'encourageais à faire en sorte que ce temps de préparation durât le moins longtemps possible. C'est ainsi que le soir, je ne bougeais plus de ma table. Ayant fini l'histoire de la Suisse, j'avais passé à celle de l'Antiquité. Je savais maintenant la géographie des 5 parties du monde, je faisais des compositions, je connaissais à peu près toutes mes règles de grammaire, y compris celle des participes, je venais de me mettre à l'instruction civique, dont M. Loup m'assurait que je pourrais avoir besoin. Et puis surtout, je continuais mes lectures, auxquelles M. Loup tenait beaucoup également. Tous les 15 jours, il me prêtait un nouveau livre, il me posait des questions sur mes lectures afin de s'assurer que j'avais bien compris. J'ai oublié les titres de ces livres, tout ce dont je me souviens, c'est qu'ils n'étaient pas toujours amusants, mais j'avais dans ce temps-là une espèce de grande faim qui me faisait tout avaler. D'ailleurs, et par-dessus tout, il me restait Mélanie, et nos rencontres du dimanche après-midi quand je revenais de chez M. Loup. Nous n'allions plus au bord du lac. Cela m'eût trop détourné de ma route, et puis les prés commençaient à être mouillés. Mais derrière le cimetière, il y avait un petit bois. C'était là qu'elle m'attendait. Tous ces premiers mois, elle fut très exacte au rendez-vous. Je l'apercevais de loin, à demi cachée derrière un buisson. L'hiver était venu, la nuit tombait déjà, une petite brume flottait sur le marais. J'étais heureux de la brume et de l'ombre qui nous protégeaient contre les regards. Je m'assurais encore une fois que personne ne nous voyait, puis je courais à sa rencontre. Elle se mettait à sourire, et tout disparaissait, sauf elle, et entre ses lèvres rouges, la blancheur de ses dents. Elle me disait « Tu sais, j'ai eu bien du mal à venir. Maman me demande toujours où je vais. Alors je ne peux pas chaque fois lui dire que je vais chez une amie. Je suis obligée d'inventer des histoires. Et puis, pour sortir du village, il faut chaque fois que je prenne un autre chemin. » Était-ce vrai ? Je ne me le demandais pas. Tout ce que je voyais, c'est qu'elle se donnait de la peine pour moi, et je lui étais reconnaissant de sa peine. J'aurais voulu le lui dire, je n'étais pas assez adroit à ces choses. Ma langue s'embarrassait, il ne me restait plus qu'à lui prendre la main et à la lui serrer. Cette main dans la mienne, je m'en allais sur le chemin, il se dressait devant nous un second brouillard, plus épais que l'autre, qui était le bois devant nous. Bientôt nous y arrivions, il faisait maintenant tout à fait nuit. On ne distinguait plus du tout le chemin, mais nous le connaissions si bien que nous l'aurions suivi, les yeux fermés. Et puis, cette main à tenir, c'était encore une assurance. Je serrais cette main, et une chaleur m'en venait. Je sentais sous mes doigts le battement et le sautillement du pouls, et comment il allait de temps en temps plus vite, de temps en temps plus lentement. Mélanie avait beau ne rien dire, il me semblait qu'aucune de ses pensées ne pouvait me rester cachée, grâce à ce langage de son cœur. On peut se passer des mots ordinaires quand il y a ces autres mots, et je me serais tue exprès pour les mieux entendre, tellement ils me semblaient plus beaux que ceux que la bouche profère, qui sont maladroits et trompeurs. Était-ce à cause de cela qu'elle se taisait, elle aussi ? Il nous arrivait souvent de nous quitter sans avoir échangé plus de 2 ou 3 phrases. Plus il y avait de silence, et plus je me sentais heureux. De temps en temps, une goutte tombait des branches, avec un petit bruit sec, ou bien c'était un oiseau qui secouait ses ailes, ou là-bas encore les vagues du lac qui venaient se briser contre l'enrochement. Nous deux alors sur le chemin, et tout autour de nous la campagne endormie, les tristes champs noirs de l'hiver. Il me semblait plus beau que toutes les beautés du monde. Elle me disait quelquefois, « Comme c'est dommage que ce ne soit pas l'été. On aurait pu s'asseoir. Je connais des endroits où on serait joliment bien, tu sais, des endroits avec de la mousse. » Je lui disais, « Est-ce que tu n'es pas bien comme tu es ? Moi, je suis bien. Oh oui, seulement on se fatigue à marcher ainsi tout le temps. » Je lui disais à l'oreille, « Quand je suis avec toi, je ne suis jamais fatiguée. » Au contraire, le temps que nous avions à passer ensemble me paraissait toujours trop court. Il est vrai qu'il était assez, 3 quarts d'heure, 1 petite heure. Elle n'osait pas rester plus longtemps. Et moi aussi, il me fallait partir parce que Mademoiselle Grandjean m'attendait pour souper. Heureusement que je pouvais me rattraper en lui écrivant, le soir, quand je sentais que l'ennui me prenait, ou bien quand j'étais fatiguée de lire, vite, je lui écrivais. Il me venait tout à coup des besoins de lui ouvrir mon cœur, et ce que je n'aurais jamais osé lui dire de bouche, ma plume s'y enhardissait d'elle-même. Pourtant, comme je me méfiais de moi, et qu'il me semblait qu'aucune phrase ne serait jamais assez belle pour elle, je faisais toujours un brouillon, et quelquefois 2, et quelquefois 3. Que je recopiais ensuite, choisissant pour cela les plus beaux caractères, ma meilleure écriture, le papier le plus fin. J'ai conservé quelques-uns de ces brouillons. C'est même tout ce qui me reste d'elle. 3 ou 4 carrés de papier coupés dans les plis à l'encre redevenue blanche et comme brûlés sur les bords que je tiens dans mon carnet et je les relis quelquefois. Alors je ris de moi. Il faut que j'aie été naïf. Mais en même temps je me fais envie. Telle que j'étais en ce temps-là, à cause que j'étais simple de cœur. Je lui disais, c'est une de ces lettres que je recopie. « Ma chère Mélanie, M. Gonin m'a annoncé cet après-midi qu'il me gardait parce qu'il est content de moi. Il m'a semblé que c'était une si bonne nouvelle pour nous deux que j'ai vite voulu venir te l'apprendre. Je me tourmentais un peu ces temps derniers en me demandant ce qui arriverait si je ne pouvais pas rester à Roche. Voilà que je vais y rester. » J'ai pensé que tu t'en réjouirais, comme moi, parce que nos affaires en seront bien avancées. Comme ça, à présent, je m'en vais pouvoir travailler. Je veux avoir une belle position avant que tu parles de rien à ta mère. Quand je serai régent, je serai sûr de pouvoir t'entretenir et te donner des robes comme tu les aimes. On est respecté quand on est la femme du régent. J'ai voulu tout de suite t'écrire pour que tu aies ce petit plaisir. Et demain, j'irai mettre ma lettre dans le trou du mur. Alors, tâche de ne pas attendre trop longtemps avant d'aller la chercher. Je n'ai rien à te dire sinon que je vais m'appliquer le plus que je pourrai à faire avancer nos affaires. Je continue mon histoire de France, je suis à Louis XIV. Il y a 4 pages sur Louis XIV et il y en a encore 24 en tout avant que j'arrive à la Révolution. Mademoiselle Grandjean est toujours très bonne avec moi et se donne beaucoup de peine pour que je sois content. Il pourrait seulement y avoir un peu plus à manger. Mais je dors bien, je me porte bien. Ma chère Mélanie, j'espère que toi aussi tu te portes bien et que toi aussi tu es heureuse. Sans cela, je n'aurai point de bonheur, parce que ton bonheur est le mien. Ma chère Mélanie, je t'embrasse bien. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu l'autre jour que je t'embrasse une seconde fois ? Un seul baiser, c'est bien peu quand on s'aime. Les baisers, c'est comme quand on a soif. Plus on boit, plus on a envie de boire. Pourquoi est-ce que l'autre jour tu avais l'air fâché ? Et tu n'es resté qu'un tout petit moment. Est-ce que je t'avais fait du chagrin ? Ma chère Mélanie, si jamais je te fais du chagrin, le mieux sera que tu me le dises tout de suite, parce que l'autre jour, j'étais tout triste en rentrant à Roche. et tout le long du chemin, je me suis demandé ce que tu pouvais avoir contre moi. Ensuite, je me suis dit que j'étais injuste et que je n'avais pas le droit d'exiger de toi que tu fusses toujours de bonne humeur. Et ça a passé. Et maintenant, je te demande pardon d'avoir eu ces mauvaises pensées. Mais une autre fois, dis-moi tout. Ma chère Mélanie, il est tard, il faut que je te quitte, et puis je suis au bout de mon papier. Adieu, ma chère Mélanie, et à dans 10 jours d'ici. Comme je vais les compter !» Je mettais un baiser au coin de ma lettre. Je faisais un rond autour pour marquer la place. Je me disais, « Elle embrassera la place, ce sera comme si on s'embrassait. » Alors, avec 1000 soins, je pliais le papier en 4, je le glissais dans l'enveloppe, et je mettais l'enveloppe sous mon oreiller pour dormir. C'est des attentions qu'on a, elles me semblaient naturelles. Il faut dire pourtant que si je lui écrivais au moins 2 fois par semaine, elle ne m'écrivait jamais. Quand je lui demandais pourquoi, elle me disait qu'elle avait eu trop d'ouvrages, ou bien que sa mère pouvait entrer et découvrir notre secret. À présent, le ciel était clair. Il était venu des froids secs, la neige craquait sous nos pas, les étoiles dans le ciel noir semblaient des fleurs de givre. Quelques-unes étaient très grosses, les autres très petites. Il nous fallait marcher vite pour nous réchauffer. Elle était toute en béguinée, avec un chapeau de laine tricotée qui lui couvrait les oreilles. On ne lui voyait plus que le bout du nez. Elle avait des mitaines rouges brodées de perles d'acier. Je lui disais, « Tu n'as pas froid ?»« Oh non, » disait-elle. « Sûr, bien sûr, puisque je te dis que non. » J'avais tellement peur pour elle que je ne pouvais pas m'empêcher de lui poser tout le temps la même question. Ce qui l'impatientait. Elle tapait du pied. « En quoi crois-tu que je sois faite ?» J'avais les mains dans mes poches. On entendait par moments un tronc éclater ou bien une branche, déchargée de sa neige, se redresser soudain, comme quand on lève le bras. Une petite fumée nous sortait de la bouche. Je continuais d'aller chez M. Loup. Je le trouvais dans la chambre du tour. Il ne travaillait pas le dimanche. Mais l'ouvrage qu'il avait en train restait étalé sur l'établi, prêt à être repris le lendemain. M. Loup s'avançait à ma rencontre, vêtu d'un gros gilet de chasse en laine brune, coiffé d'une calotte de velours. Il me faisait asseoir à côté de lui, près du poêle, et aussitôt la leçon commençait. Un jour blanc, qui venait d'en bas, éclairait le plafond d'où un reflet cru tombait sur ses rides et son grand front bombé qu'agrandissait encore le cercle noir de la calotte. De temps en temps, il levait un doigt ou il posait sa main à plat sur la page ouverte du livre. Il tenait tout en parlant ses petits yeux gris fixés sur moi. Mais il y avait une grande bonté dans les plis de ses joues tombantes et la ligne mince de sa bouche. Je ne cherchais plus à fuir son regard. Je l'écoutais, hochant la tête à telle ou telle de ses recommandations, et même l'idée que j'allais retrouver Mélanie n'arrivait point à me distraire, parce que je sentais qu'il m'aimait, et que jusque dans ses sévérités même, qui étaient rares, il ne cherchait que mon bien. Mars ainsi finit par venir, les premiers bourgeons éclataient déjà dans les haies. Ce dimanche-là, j'étais arrivée un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. Comme toujours, il commença par me faire réciter mes leçons. Mais ensuite, au lieu d'ouvrir son livre de dictée, « Mon garçon, me dit-il, veux-tu que nous causions ?» Puis, ayant fait tourner sa chaise de façon à m'avoir en face de lui, « Écoute-moi bien, Samuel, nous avons maintenant à parler de choses sérieuses. Tu as dû sans doute te demander pourquoi je te poussais ainsi à étudier, puisque tu avais une place, une pas trop mauvaise place, et que tu en es content. Mais c'est que je crois qu'il faut que tout homme utilise ce qu'il a en lui. » et tire profit des facultés que le bon Dieu lui a données. Je ne veux pas te faire des compliments, ce n'est pas dans mes habitudes. Il n'en reste pas moins que tu vaux mieux que ton métier. J'ai des projets pour toi. Le moment est venu de te les exposer. Je devinais bien où il allait en venir, et je ne fis semblant de rien. Il me demanda tout à coup, s'attirait-il d'être régent ? Je me sentis devenir tout rouge. Pourtant, je soutins son regard, et mes yeux qui brillaient répondirent pour moi. « Oh ! Continua-t-il, ça n'est pas que tu seras riche. Logé, du bois et 700 francs par an. Mais tu pourras te rendre utile. Il n'en faut pas plus pour être heureux. On n'a qu'une raison de vivre, qui est de donner aux autres ce que nous avons. Dépenser pour les autres les forces que nous avons en nous, sans quoi elles se retournent contre nous et elles deviennent comme une maladie. Et puis, dit-il, une fois établi, là-dessus il se mit à sourire, et moi je rougissais toujours plus. « Tu pourras songer à te marier. Autant de raisons qui font qu'il n'y a plus à hésiter, n'est-ce pas ? » Je fis signe que oui, il toussa un peu, il repoussa sa calotte en arrière, et un outil d'acier brillait devant moi sur le tour. Il toussa de nouveau, il était gai comme tout ce jour-là. Et maintenant, quant aux moyens, voilà à quoi je me suis arrêté. Il me semble que tu es assez avancé pour pouvoir entrer en première classe à l'école normale. Tu n'aurais donc qu'une année à y passer. Une année d'école, c'est 9 ou 10 mois. Tu resterais chez M. Gonin jusqu'en septembre. À ce moment-là, tu partirais pour Lausanne. À Lausanne, avec 70 francs par mois, tu t'en tires. Ça ferait donc 9 fois 70 francs, mettons 700 à 800 francs. Tu vois que ce n'est pas énorme, reste pourtant à les trouver. Je connais un de ces messieurs du Conseil d'État, j'irai prochainement le voir et je lui parlerai de toi. Comme nous manquons d'instituteurs, je suis sûr qu'il fera le nécessaire. On te donnera une bourse. Mettons les choses au pis, tu pourras toujours emprunter. Et s'il te faut une caution... Il s'arrêta un instant. Je suis là. Tu vois que tout s'arrange bien. Ce que je voyais surtout, c'est qu'il n'avait rien oublié. Il me servait la besogne, comme on dit, toute mâchée. Ma vie était faite à présent. Tout à coup, elle se découvrait devant moi. C'était comme si on venait d'ouvrir une porte et le chemin brillait tout blanc dans le soleil, le fameux chemin d'une fois. Je lui dis « Je vous remercie bien ». Il me dit « Ne me remercie pas, mon garçon. Quand on est vieux comme je suis, il n'y a pas de plus grand bonheur que de trouver des occasions de se raccrocher à la vie. Tout ce que je te demanderai quand tu seras installé quelque part dans ta maison d'école, ce sera de penser à moi. Oui, quand je ne serai plus là, et on ne saura même plus la place de ma tombe. De penser à moi de temps en temps, et de te dire « Le père Loup avait du bon ». Tout à coup, il s'était mis à faire du soleil. Un rayon perçait entre deux nuages. Il tomba sur le jardin où les buissons déjà verdissaient. On entendait crier un merle. Mais c'était en dedans de moi que je regardais. Et ce que j'y voyais, c'était une maison. Une jolie maison blanche à toit rouge, avec un fronton, des contrevents verts et un clocheton sur le toit. Vaste d'ailleurs et bien distribué. La salle d'école au rez-de-chaussée, 2 ou 3 chambres au premier, dans la cour à côté des appareils de gymnastique, et moi, debout devant la porte, en train de surveiller la récréation, tandis qu'à une des fenêtres par où s'apercevaient, pendues au mur, des casseroles, un visage me souriait. Je courus dans le petit bois, je n'y trouvais pas Mélanie, je l'attendis jusqu'à la nuit. Ce fut en vain, et en passant près du cimetière, j'allai voir dans le trou du mur. Il n'y avait pas de lettres.